sponsor officiel de maman Guéa, mon frère à moi. N'écoute pas les bandits, hein. Pepale benaye zambé, mon beno male boume. Daniami niye ni lukende, helana helate. Daniami niye ni lundengele, helana helate. Pas vrai, ne vous éloignez pas de moi, venez.